Êtes-vous prêt pour 3 heures de blues? Bonsoir, bienvenue à Très Blues Assez Fou. Mon nom est Denis Baudin. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de musique blues. Pour vous, ce soir, une émission pleine de musique et pleine de personnes, pleine d'entrevues. On a des invités. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Salut Patrick Boucher. Hey, bonjour tout le monde. Patrick Boucher qui est à la mise en onde de Très Blues Assez Fou est là pour vous faire découvrir la musique blues et vous faire connaître la musique blues d'hier et d'aujourd'hui. Dans quelques minutes, on parle avec Steven Hubert. On parle aussi dans la soirée avec Phil Brice, le président du la Société Blues de Montréal. On parle avec Paul Deslauriers qui nous fait ça. On a encore des difficultés, Patrick, avec nos écouteurs. C'est très difficile cette semaine encore. Et on parle avec Paul Deslauriers qui nous fait son historique du blues. On est dans les années 50. Et on a des invités en studio. Je vous rappelle que pas loin de nous, Patrick, c'est le rendez-vous des microbrasseries. J'étais là il y a quelques minutes et on a soupé liquide. Alors, c'est un petit peu plus difficile ce soir. Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin au 89.1 FM. Jelly roll in town. Ain't no jelly roll sweet as mine. You got to pay that Barbara Alexander, You've Got the to Save That Thing. Et avec nous en studio, Mathieu Plante et Tania Beaudin, les animateurs du matin. Hey, hein, il est rendu tard, sous Matt. L'influence. Exactement. Soir. C'est l'assemblage requis sous influence. Je tiens à dire qu'on était en onde ce matin à 7h30. Oui. On est arrivé en studio à 7h approximativement. Mm-hmm. On est encore ici. Donc, si on calcule le tout, ça fait plus de 12h qu'on est dans l'immeuble. Mais au moins, on n'a pas animé cet après-midi. T'as raison. Il y a beaucoup de jours où on a pris la première. Oui, mais les deux, vous avez pris quelques bières. Ah, absolument. Ben non, mais je vois pas de quoi tu parles. Pas de problème. Ben, c'est parce que vous êtes ici pour nous parler du rendez-vous des microbrasseries. Mm-hmm. Oui. Première édition. Première édition. Très belle édition, Mathieu. Je pense qu'il faut qu'on se le dise. On est quasiment sold out sur l'événement présentement. La salle se remplit vraiment super rapidement. Il y a pas beaucoup de... Il a fallu enlever des tables. Oui, c'est vrai. À ce qu'on avait prévu parce qu'il y avait trop de monde en salle. C'est vraiment c'est rempli. C'est on a eu le 5 à 7 des professionnels qui s'est super bien passé, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent à l'EQTR étaient invités. Donc, de ce côté-là, ça s'est super bien passé. Là, ça va continuer un petit peu plus du côté étudiant, disons-le. Ouais. Puis, il y a des cours jusqu'à quoi, 10 heures? Oui, oui, oui. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans l'immeuble un petit peu plus tard. Là, on a des difficultés à entrer dans la salle. Oui. Garder de sécurité pour être sûr que tout fonctionne comme il faut, mais les portes. Je vais vous dire, on a de la difficulté à sortir aussi. Oui, j'ai tenté de sortir avec mon boc. Ouais. T'as pas le droit? Pas le droit. C'est contre la loi. Oui, je dois vous dire que le monsieur est beaucoup plus imposant que moi. Oui, mais il savait que t'étais mon père, donc c'est correct. Oh, elle a des contacts. Don't you know who I am? Exactement. Je m'appelle Daniel Moulin. Hey, Mathieu, en début de soirée, on a commencé par cette bière-là. Je pense qu'il faut en parler. Ah oui, la bière faite juste pour nous, en fait, par le trou du diable et par le temps d'une pinte, la mishmash. La mishmash, appelons-la comme ça, parce que sinon, il y a trop de consonnes. Il y a trop de consonnes dans là-dedans. Une bière pâle. Oui, blonde. Très rafraîchissante, très terrasse. Vraiment. Super bonne, un petit peu... comment est-ce que tu la décrirais pas? Agrume, un peu... Agrumeuse. Ben, quasiment agrumeuse, mais je dirais, comme le dirait le gars qui venait du temps d'une peine, qui nous l'a présenté, le Whis, c'est quand même... Ça goûte le grain, faut se le dire, là, ça vient du grain, exactement, de la céréale. Mais c'est aussi beurré. Oui. Tu sais, si on décrivait un vin, on dirait que c'était rond. Mais c'est un peu la même chose. Le vin est rond et la bière est beurrée. Ah oui. C'est ça, ça a l'air que c'est de même qu'on dit. Et après plusieurs, tu es bourré. C'est sûr que oui. La tête commence à tourner assez rapidement. L'humour à la Mathieu. Ah, bon, vraiment. Merci, j'en inspire plusieurs. Voilà. Mais non, on a fait le tour quand même. On n'a pas goûté à tout le monde encore parce que la soirée est encore jeune, non, je me rappelle. C'est ça. J'ai essayé un petit peu de Gambrinus, une super bonne bière. Breakfast, oui. Breakfast Ale, qui était vraiment bonne. J'ai essayé les Sœurs Grises. Oui, les Sœurs Grises, c'est vrai. À l'affût, je pense, ma préférée à date. Ah oui, à l'affût. Oui, à l'affût. Je ne l'ai pas goûté, moi. La British était vraiment bonne. Tu as goûté, toi, à une bière au Porto? Oui, j'ai goûté une bière au Porto qui vient du temps d'une pinte. Un Porto qui est vieilli depuis 2 ans. Puis à la suite de ça, on a ajouté de l'acide. Comment on pourrait dire? C'est acidulé un petit peu. Ouais. Donc, on goûte vraiment le Porto du vin. Ça goûtait la vinaigrette balsamique. Ben, mon Dieu, c'est un vinaigre balsamique. Tu m'as caché ça, là. Ouais, je sais. Mon père est un amateur de porno. De porno! L'alcool rentre! Salut! Meilleur moment! Oh, je pense qu'on vient de Porto! Disons-le correctement! Ça a valu la peine de venir pour l'intervention, finalement, Tania! De Porto, oui, disons-le correctement. Porto, oui, mon père est vraiment un amateur de ça, donc je pense que je t'ai vraiment caché des affaires, mais je l'ai découvert tard. T'étais plus dans la salle, t'étais rendu en studio. Toi, t'es correct avec le gars à la porte, tu peux nous en amener tout à l'heure. Oui, c'est ça, on va essayer de faire ça. Pas de la porno, là. Non, pas de la porno, on tient à dire, c'est deux ans de Porto. Malheureusement, si vous nous écoutez ce dimanche après-midi, le salon est terminé. Oui, on est désolé, plus possible de se procurer de la porno. Mais ça reste très drôle, peu importe le jour où vous écoutez. Oui, Mathieu, il y a des gens aussi qui sont sur place pendant l'événement qui viennent de notre campus de Drummondville. C'est vrai, oui. C'est les gens du Buck Ale. Oui, du Buck Ale, qui présentent des bières qui sont vraiment différentes des autres, je tiens à le dire. On parle d'une rousse qui n'est pas très, très amère. Tu sais, bien souvent, on va voir des rousses qui vont être un petit peu dures sur les cordes vocales puis la gorge, là, de ce côté-là. C'est là que coule comme sur le dos d'un canard sou. Oui. Moi qui n'ai pas un buveur de bière, j'ai bien aimé le produit de Buck Ale. Ouais. Oui, vraiment. Puis je viens tout juste de goûter leur noir. Je tiens à le dire, 95% de cacao. Ça goûte aussi le café. Mais là, ma mère, parce qu'elle est présente, elle adore les bières, m'a fait remarquer que ça goûtait aussi la sauce à côte levée. Un petit barbecue dedans, oui. Sauce à côte levée, oui. Buck Ale. Bah, la sauce à côte laurier. Mon père aime le porno et les contrées. On parlait du Porto, Tania. Ah, oh, c'est Porto. Ça, le Porto et les côtes levées. La prochaine étape, Tania, ça va être d'aller goûter aux poutines de Mr. Michoui. Je sais, les gars, je pense que oui. Vous avez faim. Hein? Monsieur Michoui, qui est un ami à moi, qui est un ancien collègue je de travail. Je sais, je l'ai rencontré. Très, très chic bonhomme. On est du, on fait des bières, des poutines aux bières ce soir, très oui. Différentes. Mr. Michoui. Oui, c'est ça. Avec Serge Dessureau, oui. Oui. C'est de la viande braisée sur le oui. Grill, la flamme. Exactement. T'as la Oktoberfest. Oktoberfest, oui, ça, c'est saucisse et choucroute. Oui, ouh, choucroute. Ouais. Et il y a celle qui est du diable, poutine du diable. Sauce red hot et de la saucisse aussi. Évidemment, événement dit Oktoberfest, on se doit d'avoir de la saucisse quelque part. Mm-hmm. On n'a pas eu nos prédiles, mais moi, on a la saucisse. Là, hein, non, on sait, on vous titille les... On vous titille les papilles gustatives, messieurs. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment un bel événement, on doit le dire. Première édition, mais je pense monde, que... Fait, c'est sûr qu'il va y avoir une deuxième édition. En tout cas, c'est sûr. Et on vous lance l'idée, Patrick et moi, l'année prochaine pour le rendez-vous des microbrasseries. Si vous êtes encore un jeudi, on est prêt à diffuser en direct. En direct de là-bas? Ben oui, ça serait intéressant. Boire dans le micro? Vraiment intéressant. Boire dans le micro. Boire dans le micro. Ça serait drôle rendu à 10 heures. Hein? C'est pour ça qu'on vient en presque début d'émission, en première, deuxième heure, mettons. En première, bah, on est dans puis on fait pas une demi-heure. Mais ben, de très belles bières, plusieurs microbrasseries qui sont disponibles. On parle de 7 microbrasseries différentes. Ouais. J'y vais vraiment de mémoire, le Mathieu. Le Temps d'une pinte, Trou du Diable, Gambrinus, Broadway Microbrasserie oui. Qui vient de Shawinigan, mais on parle aussi de l'usine du Grill Cheese. C'est comme ça qu'il s'appelle aussi à Shawinigan. À l'affût. À l'affût, qui est de Saint-Tite. Mm-hmm. On parle aussi des Sœurs Grises, comme tu viens de le dire, le Buckhill. Je pense que j'ai fait le tour. On a fait le tour. Chacun dans une tente en ce moment, donc vous avez encore le temps de venir nous rejoindre. Et votre 10$ va aller très, très loin, hein, parce que... C'est 2$ par dégustation pour la plupart des bières, sinon 3. Oui. Et ensuite, c'est 6$ pour remplir votre bock si vous l'avez. Si vous l'avez, oui. Je pense pas qu'il reste de bock pour les nouveaux. Présentement, les bocks qui sont encore disponibles sont ceux qui ont été déjà réservés sur le site Internet qui était la pré-vente des billets. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, si vous vous présentez et que vous aviez déjà un bock réservé, il est là, il vous attend. Inquiétez-vous pas, il n'est pas parti. Ouais. Vous allez être capable de le remplir, messieurs et mesdames. Ça s'en vient. D-Jet ou DJ. Qatardi, qui a déjà travaillé ici, qui est primé, elle fait sauter la salle présentement. Donc, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est polyvalente. Cette présentement, elle joue de la musique un petit peu rétro, un petit peu comme vous avez joué tantôt en blues. Ça sonne comme ça. Je trouve que l'environnement était pas mal musicalement similaire à ce qui se passe en ce moment, même là, au 10-12, Néré-Beauchemin, en pleine construction. Oui, puis on tient à répéter aussi, on l'a dit ce matin dans l'émission, mais si ça n'a pas été totalement clair, sachez-le, c'est pas seulement pour les étudiants de l'UQTR. Là. C'est vraiment ouvert au grand public. C'est 10$ à la porte. Vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir le bock, mais vous allez être capable de justement déguster les différentes bières qui sont là. Et c'est vraiment une belle soirée jusqu'à présent. Donc, on espère vous y voir. Et surtout, ça aide... Ça aide, c'est fou, oui, ça aide le Zone Campus, faut l'avouer. On l'a pas dit tellement en ondes jusqu'à maintenant, c'est pas super, on met pas ça en premier plan, mais ça reste une activité de financement pour ces fous Zone Campus, oui. Donc soyez-y, ça a fini aux petites heures hein, du matin, passé minuit. Ça va permettre d'acheter des supports de micro. Ouais, merci de le rappeler. En ben de quoi est-ce que tu parles, nos micros sont en forme. Je pense que juste pris de l'âge, oui, il pendouille un fait. Peu. Tout à fait, je pense que je vais faire un don là. Mathieu, si tu me le permets, oui, et Denis aussi, oui, si vous me le permettez. Normalement, c'est lui qui donne les permissions. Je sais, moi, hein, moi, mais là, je vais faire une mention spéciale à notre stagiaire qui a travaillé juste pour cet événement-là. Lorenzo travail exceptionnel. Il est à la porte ce soir. Si jamais vous le croisez, vous venez chercher votre boc, dites-lui, premièrement, merci, et deuxièmement, excellent travail, oui. Parce que ça se passe super bien. On espère futur chroniqueur, mais oui. Pour l'instant, futur ex-collègue stagiaire. Oh ben, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Choix. Mathieu Plante, Tania Baudin, vous nous rappelez vos panoplies d'émissions. Ah. Hey boy! Commence par notre émission commune, tiens. Ben, notre émission commune, c'est Assemblage requis tous les matins, du lundi au jeudi, de 6h30 à 9h30, mais en direct de 7h30 à 9h30. Absolument. Ensuite, on a les Pamarais C'est fou ensemble aussi, les mardis de 14h à 17h, et on repasse les vendredis soirs à 17h, ainsi que les samedis à midi. Ensuite, t'as ton émission à toi, tout oui, seul. Qui est en piste avec Tania Baudin, émission consacrée consacré sur le sport automobile et les voitures. Donc, le mercredi de 14h à 15h, mais t'es pas très, très loin de ça. Oh, non, je vais continuer à 15h jusqu'à 17h pour le Mathieu Planchot, l'émission de technologie, trucs geek, oui. Sciences, télévision, etc. Et voilà. Mais ben merci d'avoir été dans Très Blues. C'est fou, vous savez. Merci. Vous m'avez donné la première ouverture de micro alors quand j'ai décidé de faire Très Blues assez fou. C'est vrai. Je suis content de vous rendre l'appareil. Et c'est un très bel événement. J'ai passé peut-être une soixantaine de minutes. Plutôt, c'est un très bel événement. C'est intéressant. Merci d'avoir pensé à ça. Et merci, ça dynamise Trois-Rivières, ça dynamise le campus de l'UQTR. Ça fait différent du vin aussi. On a beaucoup de dégustations de vin. Ouais. Rarement de dégustations de bières. Donc là, c'est vraiment des bières, sachez-le. Si vous êtes amateur de ça, c'est le temps-là. Il y a encore des billets. C'est disponible à la porte. Il y a des bonnes bières. Venez-vous-en. Après la pause, encore plus de musique sur Très Blues Assez Fou. Assez Fou, 89.1 FM. Vous êtes assez fou.